Le Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 12 courant un acte d'accusation pour inscrire dans l'histoire de la nation la leçon du sort de la gouvernante sud-coréenne. Elle est devenue momie vivante abandonnée par la nation pour avoir établi le nouveau record des crimes incomparables à tous ses prédécesseurs dans le nombre et le contenu pour se laisser condamner sévèrement par l'opinion publique. En voici le résumé. La traîtresse Park Geun-hye a mis au monde les inventions insolites telles que processus du nouveau programme de la confiance de la péninsule coréenne, déclaration de Dresde et opportunité de la réunification qui ont contribué à établir le nouveau record dans la division du pays et la traîtrise. Ce sont des termes métis introuvables même dans les dictionnaires qui jettent de l'eau froide à l'ardeur de la nation pour l'unité nationale. Vu cette enseigne de la politique de réunification pareille à une publicité infantile, il est inutile de parler de son contenu. Le Monde qualifie Park Geun-hye de Don Quichotte du XXIe siècle, portant l'armure et l'épée à sa jupe. Dans le passé aussi, il y avait ceux qui ont laissé entendre des médisances dans la coulisse sans se permettre d'apparaître au public en proie au refus maladif contre les compatriotes et à la peur devant la supériorité de notre régime socialiste, le meilleur dans le monde. Mais seul Park Geun-hye s'est permise impunément de commettre toute voyerie téméraire. Avec le lancement des tracts à vocation anti-nord-coréenne, elle a exacerbé à l'extrême la confrontation intercoréenne et calomnié de façon ignoble les compatriotes par la reprise des émissions psychologiques frénétiques. En plus, elle a élaboré les scénarios de l'opération d'occupation de Pyongyang et le plan de domination après la prise de Pyongyang, voire même l'opération d'élimination du cerveau. Elle a même effectué une tournée d'inspection au front en tenue militaire pour fomenter la guerre contre le Nord. C'est elle qui a aussi interrompu l'exploitation de la zone industrielle de Kaesong. Non satisfaite, elle a bloqué complètement avec la sanction séparée contre le Nord dans la finance et le transport maritime tous les passages de contact et de circulation entre le Nord et le Sud qui continuaient avec grande peine. Rappelons que Park Geun-hye est lauréate du prix exceptionnel qu'aucun de ses prédécesseurs sud-coréens ni aucun pro-américain du monde n'ont possédé. Cet ordre est directement lié à la disposition de Saad américain. Elle a introduit en Corée du Sud les moyens de guerre dernier cri que même le pouvoir antécédent n'avait pas osé pour transformer le pays en base avancée de la guerre nucléaire des États-Unis. Park Geun-hye a également vendu même l'âme des victimes de l'esclavage sexuel de l'ancienne armée nippone, sujet de rancune intolérable de la nation, comme objet de marchandage pro-japonais. La Corée du Sud est dégénérée en société de la deuxième rénovation, régie par la domination policière et de renseignement et la dictature fasciste, à cause de Park Geun-hye, fille du dictateur rénové. L'affaire de submersion du paquebot Sewol n'était pas un accident, mais une catastrophe ultra-géante produite intentionnellement par Park Geun-hye. Ses conduites à la suite de cette submersion indignent tous les habitants. À peine installée à la Maison Bleue, Park Geun-hye s'était mise à réformer le manuel d'histoire. Quant à l'affaire scandaleuse ultra-géante de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil, elle a enfin déclenché la tempête politique dans toute l'étendue de Corée du Sud. Il faut avouer que l'essor de tous les gouvernants sud-coréens qui s'étaient donnés à l'hostilité fratricide, à la traîtrise servile aux grandes puissances, à la dictature et à la politique antipopulaire, étaient tous misérables. Park Geun-hye, qui n'a commis que des crimes de haute trahison, est voué à la ruine propre à son nouveau record criminel, la plus pitoyable et souffrante, incomparable à toutes les peines et souffrances de ses prédécesseurs criminels. La vérité indéniable de l'histoire montre que le pire criminel sera puni par la façon la plus cruelle.